pourquoi j'ai mal, pourquoi mon cœur ressent. Dis-moi pourquoi mes veines sont vidées de mon sang. Dis-moi pourquoi passer aux aveux, pourquoi mon ciel est noir comme celui d'un aveugle. Dis-moi pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Dis-moi pourquoi on rit, pourquoi on pleure. Tellement de pourquoi dans mes songes, je dirais même plutôt tellement de pourquoi sans réponse. Un jour on m'a demandé pourquoi, j'ai répondu parce que la vie me fait si mal, parce que j'écris ce récit. Parce que ta soirée peut se finir à l'hôpital, parce qu'on veut le salaire à Zidane, parce que réussir est vital. Parce que malgré les coups durs de la vie, pèse pas les bras. Parce que si tu crois pas en toi, qu'il fera pour toi. Parce que l'ONU n'aide pas ce que l'on croit. Parce que la France a bien changé depuis l'avenue d'un petit Hongrois. Parce que la preuve est à l'appui, parce que j'en veux plus. Parce que ma voix est sûrement guidée par ma plume. Parce qu'un seul mot peut te faire perdre dedans. De leur la main les gens refusent vu qu'il y a rien dedans. Parce que j'écris, parce que j'y crois, parce que mes rêves vont aboutir. Parce qu'on limite nos connaissances, l'école ne fait que nous abrutir. Parce que j'en perds le nord, j'en perds mes sens. Parce que je plongerai en enfer en faisant le saut de l'ange. Dis-moi pourquoi j'ai mal, pourquoi mon cœur ressent. Dis-moi pourquoi mes veines sont vidées de mon sang. Dis-moi pourquoi passer aux aveux, pourquoi mon ciel est noir comme celui d'un aveugle. Dis-moi pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Dis-moi pourquoi on rit, pourquoi on pleure. Tellement de pourquoi dans mes songes, je dirais même plutôt tellement de pourquoi sans réponse. Un jour on m'a demandé pourquoi, j'ai répondu parce que je grimperai les paliers, parce que je vais saigner mon cahier. Parce que j'ai mal dans le fond, je peux pas nier. Parce que nos vies c'est Koh-Lanta, sans plage ni palmier. Parce que j'ai mal au crâne, ça parle en drame. On ne pense qu'à la monnaie, ça part en drame. Parce qu'on s'ignore, parce qu'on ressent que de la pitié. Parce qu'on sait que le putain sera plus gros que l'amitié. Parce qu'on traîne souvent par équipe, parce que bourré on a l'air pathétique. Parce qu'on est violent paraît-il. Parce que certains ici en mourraient par éthique. Parce que les tombes de nos amis sont souvent creusées par les flics. Parce qu'on a peur de vieillir de l'adolescente à la mégère. Parce que les peines sont lourdes, ça prend moins la vie à la légère. Parce que les petits jouent les thugs, les hustlers. Parce que le mal ne guette que d'un seul œil. Dis-moi pourquoi j'ai mal, pourquoi mon cœur ressent. Dis-moi pourquoi mes veines sont vidées de mon sang. Dis-moi pourquoi passer aux aveux, pourquoi mon ciel est noir comme celui d'un aveugle. Dis-moi pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Dis-moi pourquoi on rit, pourquoi on pleure. Tellement de pourquoi dans mes songes, je dirais même plutôt tellement de pourquoi sans réponse. Pourquoi l'éclipse, je ne cesserai jamais de me demander pourquoi. Tant de questions sans réponse, pourquoi. Dis-moi pourquoi j'ai mal, pourquoi mon cœur ressent. Dis-moi pourquoi mes veines sont vidées de mon sang. Dis-moi pourquoi passer aux aveux, pourquoi mon ciel est noir comme celui d'un aveugle. Dis-moi pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Dis-moi pourquoi on rit, pourquoi on pleure. Tellement de pourquoi dans mes songes, je dirais même plutôt tellement de pourquoi sans réponse.